Le résumé de l'histoire, le pitch, comme on dit de nos jours, est d'une simplicité glaciale. Un journaliste, après une longue enquête, publie une série d'articles fracassants. Il dénonce un authentique scandale, la compromission des services de renseignement de son pays avec des narcotrafiquants. Cette publication fait sensation. Mais bientôt, le journaliste est accusé par les plus grands médias d'avoir pris des libertés avec la vérité. Un vrai lynchage. Sa rédaction en chef, qu'il avait d'abord soutenu avec enthousiasme, le lâche peu à peu. Contraint à la démission, il sombre et il finit par se donner la mort. Pourtant, on le sait aujourd'hui, ce journaliste n'avait rien inventé. Telle est donc la trame d'un film américain récent, Secret d'État. Mais il ne s'agit pas d'une fiction. Le journaliste Gary Webb a réellement existé et il s'est vraiment suicidé en 2004. Si Monsieur X a décidé de me raconter cette histoire, c'est qu'elle jette une lumière crue sur le fonctionnement de la plus grande démocratie du monde, comme on a l'habitude de le dire. Pourquoi ? La minutieuse enquête de Gary Webb n'a-t-elle pas provoqué un véritable séisme aux États-Unis, alors même que le journaliste mettait en évidence que les activités criminelles de la CIA étaient directement responsables de l'épidémie de drogue qui avait submergé la côte ouest dans les années 80 et surtout sévi dans la population afro-américaine. Et si la grande presse n'avait pas suivi, il avait même fini par pilonner le travail du journaliste, était-ce seulement parce qu'au même moment, il n'était question que des exploits sexuels de Bill Clinton avec une stagiaire de la Maison-Blanche. Un rideau de fumée ou la volonté d'étouffer à tout prix un scandale dévastateur. Monsieur X répond dans un instant. Hey Jim, Jim, just a minute, y'all. You see, no matter where I treat my guests, they always lock my kitchen best. Cause I'm cooking, running around my brain. I'm cooking, running around my brain. I want you to dig me soul, brothers and soul sisters. I want you to hold me tight because I'm out of sight and I'm a dynamite. I've got cooking. Cocaine running around my brain. I've got cocaine running around.

Et son remarquable travail journalistique a été assorti de la mise en ligne sur Internet de documents accablants pour la CIA. Mais s'il faut souligner la contribution essentielle de Webb à la dénonciation de ce scandale, il me faut d'abord évoquer une enquête qui l'a précédée, celle menée par l'actuel secrétaire d'État américain, John Kerry, qui était dans les années 80 sénateur démocrate du Massachusetts. Une enquête qui, malgré le sérieux avec lequel elle a été conduite, a connu à peu près la même infortune que celle de Webb, avec heureusement des conséquences moins dramatiques pour Kerry que pour Webb. Ben, je vous écoute, là. Au départ, en décembre 1985, il y a un article de deux journalistes d'Associated Press, Parry et Berger. Sur le fil de leur agence, ils révèlent que les Contras introduisent de la drogue aux États-Unis. Et presque immédiatement, le sénateur démocrate du Massachusetts, John Kerry, se saisit de l'affaire et décide de mener une enquête parlementaire. Et sur les liens éventuels alors entre les Contras et la CIA. Et vous n'ignorez pas que les parlementaires américains disposent de moyens importants pour assumer de telles tâches. Ainsi, trois de ses collaborateurs sont chargés des investigations, tandis qu'il obtient de la Commission des Affaires étrangères du Sénat une demande d'information à l'administration Reagan au nom de la guerre contre la drogue. Reagan, qui, il ne faut pas l'oublier, a alors fait de la lutte contre la consommation de drogue une priorité. Son épouse, Nancy, a même personnifié cette campagne à la télévision. Les choses avancent assez vite. En avril 1986, le procureur adjoint de Miami, Jeffrey Feldman, enquêtant sur de possibles usages illégaux de fonds publics, entend l'ambassadeur états-unien au Costa Rica. Il lui pose des questions sur Oliver North. Oui, l'homme clé de cette affaire. Naturellement. Edwin Meese, l'attorney général, c'est-à-dire le ministre de la Justice, suit ces développements et interroge le supérieur de Feldman, Léon Kellner. Début mai, le New York Times, citant le porte-parole du ministère, affirme que les recherches ne débouchent sur rien. Un premier signe, ça. Oui. Pourtant, le procureur Feldman, apparemment avec l'aval de Kellner, recommande officiellement d'engager des poursuites. Mais c'est un faux semblant, parce qu'en douce, ce Kellner a réécrit le rapport de son subordonné. Désormais, il désapprouve toute action judiciaire. Ce texte est aussitôt rendu public par le Washington Times. On y affirme qu'il faut abandonner une enquête coûteuse et inutile, conduite par des politiciens complotistes. John Kerry, en l'occurrence. Conclusion, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, se basant sur ce rapport falsifié, refuse d'autoriser des auditions parlementaires. Mais c'est un véritable enterrement. Effectivement. Et plus tard, le procureur désavoué, Feldman, affirmera que des représentants de la CIA et de la DEA, l'agence antidrogue, mais aussi du ministère de la Justice et du FBI, s'étaient concertés pour saper l'initiative de Kerry. Conséquence, Oliver North parade. Il adresse une note au président Reagan dans laquelle il affirme que l'un de ses principaux accusateurs, Jack Terrell, un ancien mercenaire des Contras, n'est qu'un dangereux terroriste qui avait même l'intention de l'assassiner, lui, Reagan. Le témoignage de cet homme est donc complètement décrédibilisé. Et est-ce que c'est la fin de l'enquête Kerry ? Non, car le sénateur n'entend pas en rester là. En dépit des manœuvres d'obstruction du ministère de la Justice. Parce qu'il possède d'autres munitions, si j'ose dire. Mais je vais vite. Kerry produit en particulier le témoignage de Wanda Palacio, une informatrice colombienne qui affirme que le baron de la drogue, Ochoa, s'est vanté de financer les Contras et qu'une compagnie aérienne liée à la CIA était utilisée pour exporter la cocaïne depuis Barranquilla en Colombie. Ce témoignage est-il pris au sérieux ? Non. Au ministère de la Justice, on fait tout pour le discréditer. Mais en octobre, coup de théâtre, un C-123 transportant des armes destinées aux Contras est abattu par les sandinistes au Nicaragua. Le seul survivant, un mercenaire américain, est capturé par les sandinistes. Les journalistes Barger et Parry se rendent aussitôt au Nicaragua. Ils retrouvent les carnets de vol de l'avion abattu. Ceux-ci font état de nombreux vols entre les États-Unis et Barranquilla. D'où partirait alors la cocaïne, selon l'informatrice colombienne ? L'enquête parlementaire de Kerry est donc confortée. Oui, ce qui n'empêche pas les grands médias, Washington Times et même New York Times, se fiant à des sources policières, de prétendre que l'enquête de Kerry est basée sur des mensonges de trafiquants cherchant à se dédouaner. Car le scandale de l'Iran Gate vient d'éclater. Et l'Iran Gate, c'est d'abord les manœuvres frauduleuses d'Oliver North et des autres pour armer clandestinement les Contras. Et ça permet de passer sous silence le trafic de drogue qui était pourtant l'un des pivots de l'Iran Gate. Malgré tout, en 1987, alors que le Sénat devient majoritairement démocrate, Kerry peut poursuivre ses travaux. Son rapport est accablant. Mais il sera pourtant ignoré par tous les grands médias. Un mot sur le rapport du sénateur Kerry publié en avril 1989. Extrait. Il est clair que les personnes ayant apporté leur soutien aux Contras se livraient au trafic de drogue, que les réseaux d'approvisionnement des Contras étaient utilisés par des trafiquants de drogue et que des éléments Contras ont sciemment reçu argent et matériel de trafiquants de drogue. Dans chaque cas, une ou plusieurs agences gouvernementales disposaient d'informations concernant cette implication pendant ou juste après qu'elle ait lieu. Il existe de sérieuses interrogations quant au fait que les agents américains en Amérique centrale aient pu renoncer à agir contre le trafic de drogue par peur d'affaiblir l'effort de guerre contre le Nicaragua. J'ajoute que ce rapport rappelait aussi que des trafiquants de drogue connus d'agents judiciaires avaient reçu des fonds du ministère des Affaires étrangères au titre de l'aide humanitaire. Alors maintenant, je vous propose d'en venir à la malheureuse mais exemplaire histoire du journaliste Gary Webb. Qui est-ce ? Ce professionnel âgé de 40 ans, en 1995, est employé par un quotidien de la côte ouest, le San Jose Mercury News. Un journal local, par conséquent. Et vous avez raison de souligner ce point, car Webb n'appartient pas au gotha de la grande presse. Et on ne manquera pas de le lui faire sentir. Malgré tout, Webb est un journaliste d'investigation qui a déjà reçu plusieurs prix pour des enquêtes sur des malversations publiques. Un excellent journaliste, par conséquent. Et dont les enquêtes, même les plus sulfureuses, ont toujours reçu l'approbation de sa rédaction. En 1995, Webb s'intéresse au fléau de la drogue. Une vraie catastrophe dans cette région des États-Unis où le crack fait des ravages en particulier au sein de la population noire. Oui, le crack, c'est un produit de la cocaïne. Une substance solide qu'on peut fumer et qui entraîne une dépendance très rapide. Webb est donc sur la piste d'un nommé Ricky Ross, un gros dealer de Los Angeles. Il remonte la filière qui approvisionne Ross jusqu'en Amérique centrale. Il découvre ainsi que les narcotrafiquants ont participé au financement des Contras. Mais ce n'est pas tout. Il apprend aussi que ces malfaiteurs étaient couverts par la CIA et qu'une partie du produit de la vente de drogue avait servi à financer les Contras. Par conséquent, l'agence américaine a une responsabilité dans l'épidémie de crack. Ah ben, il ne va pas si loin. Il affirme que la CIA savait que l'argent des Contras venait de la contrebande de la cocaïne. Mais n'a rien fait, bien au contraire, pour l'empêcher. C'est ça. Je voudrais ajouter que l'enquête de Webb, qui lui a pris une bonne année, a été conduite avec une incontestable rigueur. Aidé par un collègue nicaraguayen, il lui a d'abord fallu traduire de l'espagnol des centaines de documents et d'enregistrements clandestins ou encore consulter autant de procès-verbaux d'interrogatoires et de procès. Puis il a réalisé des interviews dans des prisons à l'étranger, réussi à extorquer des documents à des agences fédérales et à obtenir des autorisations de déclassification auprès des archives nationales. Enfin, il a dû retrouver la trace d'anciens policiers ou de trafiquants qu'il a convaincus de témoigner. Oui, donc il n'a rien laissé au hasard. Parce qu'il savait qu'il maniait de la dynamite. Après avoir effectué ce travail de bénédictin, Gary Webb publie en 3 articles le résultat de ses investigations dans son journal en août 1996. Il y ajoute, et c'est une sorte de première dans l'histoire de la presse américaine, la diffusion sur le site web du journal de nombreux documents venant à l'appui de sa démonstration. Sa démonstration, justement, alors, comment peut-on la résumer ? Elle tient en 5 points. Premièrement, il soutient que la Contra, un mouvement de lutte armée créé de toutes pièces par la CIA, a bel et bien vendu de la cocaïne pour financer ses activités. Et cela, en dépit des affirmations contraires, tant de l'agence elle-même que des grands médias. Deuxièmement, la Contra a vendu de la cocaïne dans les ghettos noirs de Los Angeles, où son principal client était le plus gros dealer de crack de la ville. Et ce Ricky Ross, là, à l'origine de son enquête. Oui. Troisième point. Des agents du gouvernement américain, parfaitement informés des activités de ce réseau, n'ont rien fait pour y mettre un terme. Quatrièmement, cet important réseau a joué un rôle déterminant dans l'approvisionnement du premier marché de masse du crack aux États-Unis. Ouais. Et le cinquième point ? Webb assure que les bénéfices de ce trafic ont permis aux Crips et aux Bloods, deux gangs de Los Angeles, de répandre la consommation du crack dans les quartiers noirs des grandes villes américaines, contribuant à faire de l'usage de cette drogue un fléau d'ampleur nationale. Or, en même temps, le journaliste constate que l'État fédéral se contente de promulguer des lois anti-drogue qui aboutissent à l'arrestation de milliers de petits dealers, généralement des noirs, mais ne s'attaque pas sérieusement au commerce du crack. Mais ça frôle la complicité. Ah ouais, ne va pas jusque-là. Il en reste aux constatations. Ouais. Enfin, conséquence de cette publication ? Ben, les articles sont abondamment commentés dans tous les États-Unis. Et bien qu'on soit à l'aube du journalisme Internet, des millions de visiteurs vont sur le site du Mercury News. C'est le début d'un véritable emballement pour le travail de Gary Webb, auquel on ne cesse de demander des interviews. Des agents d'Hollywood l'approchent. Pour eux, il y a derrière ce récit explosif la certitude de produire et de réaliser un grand film, un thriller à la Tom Clancy. Et politiquement, alors ? Le ministère de la Justice et l'inspecteur général de la CIA, Frederick Hitz, annoncent l'ouverture d'une enquête officielle. Tandis que certaines figures de la communauté noire de Los Angeles accusent publiquement le gouvernement américain d'avoir sciemment introduit le crack dans les quartiers pauvres afin de mieux contrôler leurs habitants. Et la presse ? Les grands journaux sont partagés. Certains articles sont plutôt favorables, mais d'autres qualifient l'enquête de Webb de peu rigoureuse. En fait, on s'en rend compte assez vite. Ce qui passe mal, ce sont les accusations selon lesquelles la CIA aurait délibérément propagé l'épidémie de crack. Les accusations qui sont donc reprises par des leaders noirs. Hein. Et c'est un point crucial, car l'effet produit dans la communauté noire par les révélations de Webb prend une ampleur sans précédent. Ça commence par des manifestations d'étudiants afro-américains devant la Maison-Blanche. Mais on voit aussi des mouvements de protestation à Los Angeles, dans les quartiers où sévit la consommation de crack. Même le conseil municipal y va de sa réprobation publique, sans compter, évidemment, avec les organisations noires et leurs représentants comme le célèbre révérend Jesse Jackson. À Washington, on doit commencer à s'inquiéter, non ? Bien sûr. Mais officiellement, les agences mises en cause et le gouvernement fédéral ne semblent pas vouloir réagir. En fait, devant ce silence, ce sont les grands médias du pays qui s'impatientent et vont orchestrer la contre-offensive. Vous sembliez dire précédemment que ces grands médias si influents cherchaient une sorte de revanche sur ce petit journaliste de province qui avait réussi à faire autant de bruit. C'est un sentiment qui a certainement inspiré quelques-uns de ces journalistes aussi prestigieux que jaloux. Bon, d'accord. Mais quels sont les arguments qui les autorisent à démolir le travail de Gary Webb? Les plus hypocrites affirment qu'on a fait beaucoup de bruit pour rien autour des pseudo-révélations du journaliste. Car au fond, écrivent-ils, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Quand même, l'implication dans cette affaire d'une agence fédérale aussi emblématique que la CIA, c'est pas rien. Je suis d'accord. Quant aux plus sévères des confrères de Webb, ils critiquent ses méthodes d'enquête, en tout cas. Les attaques visant Webb deviennent même si nombreuses que la direction de son journal est ébranlée. Certes, Webb n'est pas encore désavoué, mais le vent a commencé à tourner. Et en mai 1997, le rédacteur en chef du San Jose Mercury News se croit obligé de faire paraître une critique du travail de son journaliste. Mais alors que, jusque-là, hein, Webb avait toujours été soutenu par sa hiérarchie. Et que lui reproche celle-ci, alors ? De ne pas avoir été assez rigoureux. Par exemple, de ne pas avoir donné des chiffres précis sur les quantités de cocaïne écoulées. Ou encore, d'avoir simplifié à outrance l'histoire de l'épidémie de crack propagée par la CIA. Bref, le héros du journalisme doit descendre au plus vite de son piédestal. Et on le mute dans une agence locale du Mercury News, où il est chargé de la rubrique des chiens écrasés. Et comment supporte-t-il cette punition ? Très mal, comme vous pouvez le supposer. Et en décembre, il se résout à donner sa démission. C'est pour lui le commencement d'une vraie descente aux enfers. Inter. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Dans son ouvrage Blacklist, Christina Borgeson fait parler Gary Webb à la première personne. Dans cet extrait, il raconte le vacillement progressif de la direction de son journal. Malgré ce soutien revendiqué en coulisses, ma rédaction en chef commence à paniquer sérieusement. Jamais les trois grands quotidiens nationaux n'ont déployé autant d'énergie pour dénigrer un article paru chez un confrère. Cela n'est pas dans les usages, et c'est justement ce qui inquiète le Mercury. Mon journal adopte alors profil bas. 5000 exemplaires du dossier passent ainsi au pilon, sous prétexte que le logo de la CIA apparaît en illustration. De plus, dans tous les articles que je consacre au suivi de l'affaire, je dois désormais faire figurer la formule consacrée précisant que nous n'accusons pas la CIA d'avoir été directement au courant des faits, bien qu'un faisceau de présomption suggère avec insistance sa complicité. Des astuces grossières qui ne font qu'alimenter la controverse en donnant l'impression que nous nous rétractons sans le reconnaître tout à fait. Mais Webb, journaliste chevronné, doit se défendre, faire face. Bien entendu. Dans ses interviews, ses conférences, il donne sa version. Très amer, il explique que ces mésaventures résultent d'une véritable manipulation des médias par le pouvoir fédéral et la haute administration de Washington. Ainsi, selon lui, à travers les géants de la presse écrite, le Los Angeles Times, le New York Times ou le Washington Post, c'est le gouvernement qui s'exprime et qui, à force de pression et d'insinuation, a fait céder la hiérarchie de son propre journal. Et en apporte-t-il la preuve ? Il cite par exemple un de ses supérieurs qui tente de le faire douter de lui-même. Il lui dit « N'est-il pas envisageable qu'il existe d'autres dealers que ceux que tu cites ? Des individus qui n'ont jamais été identifiés, dont on n'a jamais parlé. Dans ce cas, ton enquête serait incomplète et donc faussée. » Et la responsabilité de la CIA serait atténuée. Ah ouais, c'est bien ce qu'on essaie d'instiller dans sa tête. Ouais. Et que répond-il alors ? Il soutient avec force qu'il n'a pas enquêté sur des gens qui pourraient n'avoir jamais existé. Des trafiquants fantômes, en somme. Non, ceux qu'il cite dans ses articles ont été clairement identifiés. Ils ont un nom et un visage. Mais ce qui n'exclut pas que d'autres aient pu être impliqués. Hein. Certes, mais Webb est certain que les siens, si j'ose dire, ont agi la main dans la main avec la CIA. Et c'est ce qui compte. Donc ce travail de sape, malgré tout, continue. Et Webb, après avoir été mis au rancard, va être poussé à la démission, d'après ce que vous avez dit. Oui, parce qu'il ne peut plus supporter la défiance dont il est l'objet. Car son journal l'abandonne complètement. Et publiquement. Publiquement, comment ? Dans un long éditorial, le rédacteur en chef du San Jose Mercury News présente des excuses à ses lecteurs et des avoues. Son journaliste. Mais avec quels arguments ? Oh, c'est tout à fait hypocrite. Tout en admettant que son journaliste a révélé des faits fondamentaux. Ce rédacteur en chef reconnaît qu'il n'a pas été apporté de véritables preuves sur le point le plus contestable. c'est-à-dire l'implication directe de hauts responsables de la CIA. Ouais. Donc Webb ne peut prétendre que l'agence fédérale a joué un rôle dans l'irruption massive du crack dans les quartiers noirs de Los Angeles. Exactement. Le journaliste aurait même simplifié à l'excès sa démonstration. Ouais, pour accabler exagérément la CIA. C'est implicite. Et là, il faut remarquer qu'un journal comme le New York Times, qui s'est toujours bien gardé de donner un écho aux révélations de Gary Webb, applaudit des deux mains en prenant ses distances avec l'enquête de son reporter. Le rédacteur en chef du Mercury administre une vraie et courageuse leçon de journalisme. À la différence de Webb qui, lui, a fait du mauvais journalisme. Oui, de façon encore plus pernicieuse. Un autre grand média, le Washington Post. C'est le journal qui a révélé le scandale du Watergate. Qui a conduit Nixon à la démission, oui. Donc ce grand journal se livre à une contre-enquête. Résultat ? Il est indéniable que les contrats sont reçus de l'argent des narcotrafiquants. Mais dans des proportions bien moindres que celles que Webb avance. Tout juste 50 000 $. Il en va de même pour les quantités de drogue que les dealers auraient vendues sur la côte ouest. Tout juste, selon les estimations les plus généreuses, ce serait-il agi de 800 kilos de cocaïne. Ouais, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Peut-être, mais ça n'a rien à voir avec les allégations de Webb qui, lui, a évoqué des tonnes de drogue. Enfin, dernier argument présenté par le rédacteur du Washington Post. Si les contrats sont reçus si peu d'argent, c'est que les narcotrafiquants ont gardé pour eux la plus grosse part de leur commerce. Ouais. Eh bien, c'est donc une démolition en bonne et due forme. Hein. Oui, ça explique que Gary Webb, pourtant titulaire d'un prix Pulitzer, a fini par craquer. Pourtant, dès la fin 1998, il va lui être rendu justice. Et de manière officielle. M'expliquer. Souvenez-vous, en 1995, dès la publication des premiers papiers de Webb, le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête confiée à l'inspecteur général de la CIA, Frederick Hitz. Ce qui, entre parenthèses, augure mal de l'objectivité de cette enquête. Eh bien, détrompez-vous, car ses conclusions sont explosives. Dans son rapport, Hitz reconnaît que Gary Webb et donc avant lui John Kerry ont vu juste. Et qu'affirme-t-il alors précisément ? Il écrit en substance qu'il y a eu des cas où la CIA a maintenu des relations avec des individus soutenant les contrats, en dépit du fait que ces trafiquants étaient accusés de trafic de drogue. Pire, les agents fédéraux ont méconnu ces accusations et se sont bien gardés de les vérifier. Ils ont donc été complices. C'est ce que sous-entend l'inspecteur général. Mais il n'en reste pas là. Et s'en prend à un échelon supérieur, le Conseil de sécurité nationale. Oui, cet organisme est placé directement auprès du président des États-Unis. Hein. Et où siégeait en particulier Oliver Knotts, le deus ex machina de l'Iran Gate. Pour Frederick Hitz, ce conseil a couvert des activités de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Non seulement il a fait prévaloir les intérêts des contrats au détriment des lois américaines, mais il a dissimulé ses activités au ministère de la Justice et même à certaines branches de la CIA. Et comment alors de telles dérives ont-elles pu se produire dans une grande démocratie ? C'est une parlementaire, Maxine Waters, qui a révélé le poteau rose. Elle a rendu public un mémorandum passé dès 1982 entre la CIA et le ministère de la Justice. Au terme de ce texte, qui a obligatoirement été approuvé par le président Reagan en personne, l'agence était exonérée du devoir de signaler toute activité liée à la drogue de la part des réseaux contre-révolutionnaires du Nicaragua et d'Afghanistan. Et l'Afghanistan, où les Américains allaient bientôt apporter de l'aide aux Moudjahidines dans leur lutte contre l'armée rouge. Hein. Avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Mais enfin, c'est un autre sujet. En tout cas, il est donc établi, selon un rapport du ministère de la Justice, publié en juillet de la même année, que l'administration Reagan n'ignorait rien du trafic de drogue auquel se livraient les contrats et surtout n'a rien fait pour y mettre fin. L'accusation est excessivement grave car, au même moment, vous le rappeliez, le gouvernement prétendait lutter contre la consommation de drogue. En effet. Quant à la CIA, il est prouvé qu'elle a fait obstruction aux enquêtes de la DEA, l'agence antidrogue, en exerçant des pressions sur des témoins et même en détruisant des preuves. Alors, Gary Webb voit donc son enquête complètement réhabilitée. Et de façon spectaculaire, oui, mais voilà. En 1998, aux États-Unis, un seul sujet intéresse la presse. les développements de l'affaire Lewinsky. Oui, c'est-à-dire les Freuden de Bill Clinton avec une stagiaire de la Maison-Blanche. Hein. Qui lui aurait consenti dans le bureau ovale des faveurs buccales, pour parler par euphémisme. L'affaire est bien sûr subalterne. Mais pendant des semaines, elle fait la une de tous les médias. Conséquences extravagantes, le rapport Hitz, qui est pourtant d'une toute autre importance nationale, est complètement éclipsé. Mais pour Gary Webb, là, ce rapport Hitz est tout de même une satisfaction, non ? Oui, cependant il n'en profite pas. Car malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à retrouver un travail de journaliste. Pourquoi ? Parce qu'on se méfie désormais de lui ? C'est certain. Gary Webb s'en le souffre. Il est maintenant affublé d'une réputation de paranoïaque et de menteur. Oui, il a eu le tort d'avoir raison. Quoi. Malheureusement, oui. Donc pour lui, ça va de mal en pis. Il finit par divorcer et un jour de 2004, il se donne la mort. Un vrai suicide ? Il semble, oui. Bien que l'autopsie ait révélé la trace de 2 balles dans son crâne. Mais il y a eu quelques rares exemples de cas similaires. Et la mère de ses 3 enfants, qui le savait profondément déprimé, n'a pas douté de la version du suicide. Est-ce que certains de ses confrères les plus critiques ont reconnu leur tort ? Oui, mais bien tard. Ceux-là même qui n'avaient pas hésité à le traîner dans la boue. Oui, c'est-à-dire les journalistes des grands médias. Eh bien, ceux-là lui ont rendu hommage. Ils ont même dû avouer qu'ils avaient consacré plus de temps à tenter de discréditer leurs confrères qu'à vérifier ou commenter son enquête. Ça, c'est un véritable mea culpa. Mais voilà. Celui qui lui a rendu le plus bel hommage a été John Kerry. Le sénateur venait de perdre l'élection présidentielle face à Bush Jr., dont le père, entre parenthèses, a été impliqué dans toutes ces affaires ténébreuses. Kerry a donc pris le temps d'envoyer un mot à sa veuve. Grâce au travail de Gary Webb, a-t-il à peu près écrit, la CIA a été contrainte de reconnaître des dizaines de fautes très graves. Et ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas pris tous les risques. Jusqu'à en mourir. C'était le sens de ce message. Cette émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, mise en musique par Monsieur Djoub, et préparée par Zachary Boubli et par Rebecca Denand, qui a vu un film cette semaine. Oui, Patrick, dans la grande tradition du film américain dénonçant les sales affaires de la CIA, il faut absolument voir le palpitant Secret d'État, sorti sur les écrans français à l'automne dernier et inspiré de l'histoire de Gary Webb. Un bémol cependant dans le Washington Post, pour qui le film offre une version fantasmée de l'affaire, le journaliste justicier seul contre tous. L'article pointe des erreurs et des raccourcis dans l'enquête de Webb, même s'il reconnaît la qualité de ses révélations. À noter que le Washington Post fut un des premiers à attaquer les articles de Gary Webb en 1996. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite après le flash CO2 Mon amour de Denis Chessou.